accompagné de Abba. Mawatro. choma mbuma siala koko luti taki pasa boya mbelanga hii soki na koka ni sabambi wa jime ningi saka kuna na Japon bobi kabende la lokumu il n'est jamais trop tard na mokili yeye La vie est linga boye, na koma ko change, basusu bako tunanga goto masiala, mwana ya Osaka, alinga monzele, hein. Je crie pas que je suis triste, et je voudrais me teindre, mais la vie continue, à changer. Ready a mise, bakelangata loyembo, stino mubi. Christ aye mo kile bandeli ye ye. Jésus Christ aye papa gano ba koma ko sambela. Ye ye ye. Il faut pas oublier comment je t'aime. Danse pas pour zongite. Papson, Isabonga, Wapi Edo Makandako, Yangana Kamoto, symbole des ancêtres, Yangana Despak, et Bandana Bomwana, Kuyaye Kuye O, Kuyaye Kuye O, Kuyaye Kuye O, Kuyaye Kuye O, Roberto. proper planning prevents poor performance. Remember this as the five P's, ancestor symbol. Se a primeira, se a segunda, se a terceira, ele que chega.